est-ce à cause de tout ce silence? Peut-être est-ce à cause simplement de moi qui n'ai plus peur de rien, pas même de mon propre orgueil, pas même de ma propre censure. Je n'ai envie que de crier. J'ai besoin qu'on m'aime. Je veux que vous m'aimiez. C'est pas sorcier, ça ressemble. À cause de mon arrogance, c'est sûrement à cause simplement de moi qui n'ai plus peur de moi et qui fracasse mes miroirs dont vous graffignez les éclats.